t'envoie des textos quand il t'envoie des sextos. Et tu me reproches de me plaindre après m'avoir mis le coup de couteau. Et tu me tournes le dos pour celui qui veut te casser le dos. Pendant que je suis là à prendre la tête, à essayer de te faire comprendre que j'ai bon dos. C'est mon fardeau. Ouais, j'ai bon dos. C'est mon fardeau. Pas de guerre entre nous si tu ne me pousses pas à bout. Où t'es ma bella? Où t'es ma? Où t'es ma bella? Où t'es ma? Y'a que pour toi que je pourrais pardonner. Mais tous les autres, il faut les oublier. Y'a que pour toi que je pourrais pardonner. Mais tous les autres, il faut les oublier. On connaît dans la vie, il y a des histoires qui comptent fait mal. Mais bon Dieu, vous nous la main du ciel. Kamikaze Tumpa. Waps. J'ai déjà appuyé. Apalix au beat. Et puis c'est coup de kikit, kikit, c'est coup de kikit. Mais tous les autres, il faut les oublier.